Alors, revoyons encore une fois les verbes gogo. Donnez-moi quelques-uns de ces verbes. Salgo. Salgo, d'accord. Tengo. Tengo. Pongo. Pongo, oui. Pongo, je mets. Tengo, j'ai. Salgo, je sors ou je pars, d'accord. Hago. Hago, je fais. Digo. Digo, je dis. Vengo. Vengo, oui, je viens. Supongo. Supongo, oui. Je suppose. Supongo. Et j'apporte. Trago. C'est traigo, avec un i au milieu. Traigo. Alors, si vous voulez dire à usted apportez-le, ça sera. Lo traigo. Lo traigo est un présent. Ça veut dire je l'apporte. Je vous ai demandé de dire apportez-le. C'est un ordre. Donc, traer, qui est un verbe gogo, devient gaga. Et ici, c'est un ordre affirmatif. Donc, il vous faut accoler le pronom à la fin. Alors, apportez-le se dit. Traigalo. Bien, traigalo. Traigalo. Apportez-moi quelque chose. Ça sera. Traigame algo. C'est ça, tout à fait. Traigame algo. Et ne le mettez pas ici. No pe. Ne le mettez pas ici. No lo pongo. No lo pongo, c'est je ne le mets pas. Je vous ai dit ne le mettez pas. Ah oui. C'est un ordre. Donc, le verbe gogo, poner, devient gaga. Ne le mettez pas, no lo. No lo ponga. Encore une fois. No lo ponga. Encore. No lo ponga. No lo ponga, oui. Ici. Aquí. Très bien. Aquí. No lo ponga, aquí. Le mot pour dire là, c'est allí. A, deux L, I, avec un accent aigu sur le I. Donc, aquí, c'est ici, et allí, c'est là. Alors, mettez le là, ça sera. Maintenant, c'est un ordre à la forme affirmative. Mettez le. Pongalo. Pongalo, oui, là. Allí. D'accord. Pongalo, allí. Alors, encore une fois, ne le mettez pas ici, mettez-le là. No lo ponga aquí. Oui, no lo ponga aquí, mettez-le là. Pongala, pongola, allí. Mettez-le, mettez-le là. Pongalo. D'accord, pongalo, encore une fois. Pongalo. Pongalo. Allí. Pongalo allí. Et comment direz-vous « je le fais » ? Lo hago. Lo hago. Et faites-le, vous vous adressez à usted. Hágala, lo, hágalo. D'accord, dites-le à nouveau. Hágalo. Hágalo. Faites-le. Hágalo. Et ne le faites pas. No lo haga. Très bien. No lo haga. No lo haga. Ne le faites pas. Et comment direz-vous dites-le? Dites-le en espagnol. Dígalo. En espagnol. En espagnol. Dígalo en espagnol. Bien. Et dites-moi, c'est. Dígame. D'accord. Dígame. Dígame. Vous entendrez souvent dire ça. Dites-moi. Dígame. C'est ce qu'on dit notamment quand on demande son avis à quelqu'un. Mais aussi quand on répond au téléphone. Dígame. Et comment direz-vous « n'évite pas ça » ? No diga eso. D'accord. No diga eso. Et ne dis pas ça. On passe au tutoiement. No digas eso. No digas eso. No digas eso. Appeler, c'est llamar. De L A M A R. Llamar. Appeler. Alors, comment direz-vous « appelez-moi plus tard » hein? S'il vous plaît, appelez-moi plus tard. Vous vous adressez à usted. Por favor, mais... Pour un ordre affirmatif, c'est semblable au français. Il faut accoler le pronom à la fin du verbe, mais seulement dans le cas d'un ordre affirmatif. Hein? Alors, « appelez-moi », c'est... Llamame. Comment est-ce que vous le diriez? Llamame. Non, vous vous adressez à usted. Hein? Essayez encore une fois. Llamame. D'accord. Hein? Llamame. Hein? On passe du A au E. Hein? On passe de llamar à llame. Hein? Mais il se trouve que ce que vous aviez dit avant, hein, llamame, llamame, c'est correct. Hein, cette forme existe. Seulement, llamame veut dire appelle-moi. On est en train de tutoyer. Tandis que moi, je vous ai demandé de vous voyez. Alors, ce n'est pas un A, mais le A est remplacé par un E. Donc, pour dire appelez-moi, vous direz. Llamame. Oui, mais en insistant sur la première syllabe. Llamame. Alors, s'il vous plaît, appelez-moi plus tard. Por favor. Por favor, oui. Appelez-moi plus tard. Llamame más tarde. D'accord. Por favor, llamame más tarde. Llamame.